no, no, no. Yeah. Rien d'inédit. Dans l'obscurité, face à la réalité, comment cacher la vérité, on prédit, rien d'effet dit. Vert, on ressasse, on est las. Face à tous ces défis, on en dit trop nos récits. Sans tasse, jamais ne s'efface, pour nous c'est efficace en répit. On se méfie de l'état et des tirs, ceux qui revendiquent que leur fut reste ainsi. Rien d'inédit. Dans l'obscurité, face à la réalité, comment cacher la vérité, on prédit, rien d'effet dit. Vert, on ressasse, on est las. Face à tous ces défis, on en dit trop nos récits. Sans tasse, jamais ne s'efface, pour nous c'est efficace en répit. On se méfie de l'état et des tirs, ceux qui revendiquent que leur fut reste ainsi. Tout a été dit, rien ne change sans pire. À part nous, on évolue quand arrive l'avenir. Depuis combien on se bat pour réparer leurs fautes. Depuis combien on rime, depuis combien on trime. Le poids du débat est trop lourd, ils s'en moquent. Les lois de l'état, on est pour car on vote. Le choix, on l'a pas car trop rude est l'époque. Je crois que la foi est la seule qui nous sorte de cette liberté vêtue comme un maton. Façon c'est perdu, on n'a pas les mêmes vues que ceux qui nous gouvernent. Tu veux de l'action, traîne dans la rue, tu verras que rien ne change. Toujours des tocos, toujours des clodos, toujours des tapins, des roumains qui font la manche. Des poteaux qui flanchent, des poteaux qui mangent. On dépend de ce qu'on est, de quel côté tu penches. Rien d'inédit. Dans l'obscurité, face à la réalité, comment cacher la vérité, on prédit, rien d'effet dit. Vert, on ressasse, on est las. Face à tous ces défis, on en dit trop nos récits. Sans tasse, jamais ne s'efface, pour nous c'est efficace en répit. On se méfie de l'état et des tirs, ceux qui revendiquent que leur fut reste ainsi. Rien d'inédit. Dans l'obscurité, face à la réalité, comment cacher la vérité, on prédit, rien d'effet dit. Vert, on ressasse, on est las. Face à tous ces défis, on en dit trop nos récits. Sans tasse, jamais ne s'efface, pour nous c'est efficace en répit. On se méfie de l'état et des tirs, ceux qui revendiquent que leur fut reste ainsi. Y'a trop de souffrance dans les cœurs, de divorce, de mères veuves isolées, d'orphelins en pleurs. Des hommes sous camisole qui n'ont pas su gérer le rôle de père. Et des parents qui ont peur pour leurs fils incarcérés en songe. Tant de jeunes qui pour oublier leur détresse se défoncent. Tant de femmes expulsées par des huissiers sans scrupules. Tant de sans-papiers qu'on manipule. Se sont évadés de la misère pour retourner dans le béton. Travail dur et espèrent l'Eldorado qu'ils ne verront jamais. Car nombre d'entre eux seront renvoyés par charter. Tant de SDF qui périssent dans le froid. Alors que tant d'apparts sont abandonnés, tant d'armes ont perdu la foi. Tant d'enfants maltraités, de femmes innombreuses et tant de bouches arrêtées. Rien d'inédit. Dans l'obscurité, face à la réalité, comment cacher la vérité, on prédit, rien d'effet dit. Vert, on ressasse, on est las. Face à tous ces défis, on en dit trop nos récits. Sans tasse, jamais ne s'efface, pour nous c'est efficace en répit. On se méfie de l'état et des tirs, ceux qui revendiquent que leur fut reste ainsi. Rien d'inédit. Dans l'obscurité, face à la réalité, comment cacher la vérité, on prédit, rien d'effet dit. Vert, on ressasse, on est las. Face à tous ces défis, on en dit trop nos récits. Sans tasse, jamais ne s'efface, pour nous c'est efficace en répit. On se méfie de l'état et des tirs, ceux qui revendiquent que leur fut reste ainsi.